Amos chapitre 2. Ainsi a dit l'Éternel, à cause de trois crimes de Moab, même à cause de quatre, je ne rappellerai point cela, mais je le ferai parce qu'il a brûlé les os du roi d'Édom, jusqu'à les calciner. Et j'enverrai le feu en Moab, et il dévorera les palais de Kérijot, et Moab mourra dans le tumulte, dans l'alarme, et au bruit du corps. Et j'exterminerai les gouverneurs du milieu de son pays, et je tuerai ensemble avec lui tous les principaux du pays, a dit l'Éternel. Ainsi a dit l'Éternel, à cause de trois crimes de Juda, même à cause de quatre, je ne rappellerai point cela, mais je le ferai parce qu'ils ont rejeté la loi de l'Éternel, et n'ont point gardé ses statuts, mais leurs mensonges, lesquels leur père avait suivis, les ont fait égarer. Et j'enverrai le feu en Juda, et il dévorera les palais de Jérusalem. Ainsi a dit l'Éternel, à cause de trois crimes d'Israël, même à cause de quatre, je ne rappellerai point cela, mais je le ferai parce qu'ils ont vendu le juste pour de l'argent, et le pauvre pour une paire de souliers, soupirant après la poussière de la terre, pour la jeter sur la tête des chétifs, et ils pervertissent la voix des débonnaires, et le fils et le père s'en vont à une même jeune fille, pour profaner le nom de ma sainteté, et se couchent près de tout autel, sur les vêtements qu'ils ont pris en gage, et boivent dans la maison de leur Dieu le vin des condamnés. J'ai pourtant détruit devant eux l'Amoréen, dont la hauteur était comme la hauteur des cèdres, et qui était fort comme les chênes, et j'ai ruiné son fruit par-dessus, et ses racines par-dessous. Je vous ai aussi tiré du pays d'Égypte, et je vous ai conduit par le désert durant 40 ans, afin que vous possédassiez le pays de l'Amoréen. Davantage, j'ai suscité quelques-uns d'entre vos fils pour être prophètes, et quelques-uns d'entre vos jeunes gens pour être nazaréens. N'est-il pas ainsi, enfant d'Israël, dit l'Éternel. Mais vous avez fait boire du vin aux Nazaréens, et vous avez commandé aux prophètes, et leur avez dit, ne prophétisez plus. Voici, je m'en vais fouler le lieu où vous habitez, comme un chariot plein de gerbes foule tout par où il passe. Tellement que l'homme léger ne pourra point fuir, et le fort ne pourra pas faire usage de sa vigueur, et le vaillant ne sauvera point sa vie. Et celui qui manie l'arc, ne pourra point demeurer ferme, et celui qui est léger à la course, n'échappera point, et l'homme de cheval ne sauvera point sa vie. Et le plus courageux entre les hommes forts, s'enfuira tout nu en ce jour-là, dit l'Éternel.